Radiomatic. amorcer cette transmission 317 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter un extrait du nouvel album de Cabaret Voltaire, soit la pièce Be Free, qui ouvre l'album Shadow of Fear, qui est considéré comme étant le 15e album de Cabaret Voltaire et qui est sorti le 20 novembre dernier. Rappelons que Cabaret Voltaire a vu le jour en Angleterre en 1974 et s'est séparé en 1994. En 2014, un des membres fondateurs, soit Richard H. Kirk, a repris le flambeau de Cabaret Voltaire, mais cette fois en solo. Avant de poursuivre, les sonoristes laissent la parole à leur invité. Mon nom est Albatom. Je suis maître à bord du navire spatial, l'Atlantis, qui sillonne l'espace sidéral et voyage dans le système solaire d'une planète à l'autre. Les Terriens, mes frères, me tiennent pour un pirate redoutable. Ils se trompent. Je suis resté très attaché à ma planète, et je veille même sur elle, bien que j'ai décidé de ne plus y vivre. Pauvres habitants de la Terre, que sont-ils devenus aujourd'hui en 2980 ? Quand on étudie l'histoire de l'humanité, on voit que dans un passé très lointain, il y avait encore des nations sur la Terre. Les hommes se dirigeaient eux-mêmes. Chaque pays avait son propre gouvernement. Les peuples travaillaient pour vivre, produire, prospérer. Tout cela est fini. Les hommes sont devenus oisifs, mous, craintifs. Ils sont servis par des robots qui accomplissent pour eux toutes les tâches. Ils se croient en sécurité sous l'autorité d'un seul gouvernement médiocre et imprévoyant. La planète Terre est pourtant menacée par un terrible danger qui vient d'un autre monde. Elle risque d'être conquise par un peuple qui semble inoffensif et que l'on appelle les Sylvidres. Moi, capitaine Albator, je le sais, et je suis là pour le combattre à bord de mon navire spatial qui peut tout et répond à toutes mes volontés. À Audiomatic, nous venons d'entendre la formation australienne Severed Heads et la pièce Spittoon Todd tirée de l'album City Slab Horror paru en 1984. Avant Severed Heads, nous entendions le projet Ataraxia du compositeur de musique électronique canadien Mort Garson. La pièce Wind Dance apparaît sur l'unique album du projet Ataraxia intitulé The Unexplained Electronic Musical Impressions of the Occult, paru en 1975. Né au Nouveau-Brunswick, Martin Garson fut l'un des pionniers de la musique électronique au Canada dans les années 60 et a aussi composé de courts extraits sonores pour des publicités. Et avant Ataraxia, nous entendions la voix d'Albator, le pirate de l'espace, un dessin animé populaire dans les années 70 et 80. Nous vous avons fait écouter l'introduction de l'épisode audio Albator défie les Sylvidres, disponible sur un vinyle en format 7 pouces et publié en 1979. Pour la suite d'Audiomatic, voici la musique de l'artiste américaine Jerry Lynn Payton. Thank you. than my voice, deeper to the sound of my heart. I can hear you moving on like the tracks of a train, where there's no way back to the start. Oh, oh, oh, worry that you carry me over. Oh, oh, oh, deadline, but you carry me over. Down. Oh, oh, oh, the world. Audiomatic, il s'agissait de Patrick Watson, artiste né en Californie, mais qui, dès l'âge d'un an, a vécu et grandi à Montréal. De son plus récent album, Wave, nous entendions en quelque sorte la pièce-titre qui s'intitule The Wave. Précédemment à Patrick Watson, nous avions droit à la Britannique Anna Calvi et sa chanson Carry Me Over de son deuxième album, One Breath, paru en 2013. Et pour débuter, Geraldine Payton, mieux connue en tant que Jaylin, nous présentait sa composition Kundalini, extraite de l'album Autobiography, Music from Wayne McGregor's Autobiography, qui, comme son titre l'indique, est la trame musicale du spectacle de danse contemporaine Autobiography du chorégraphe anglais Wayne McGregor. Audiomatic se poursuit sur une pièce du projet This Mortal Coil. Thank you. À Audiomatic, nous avons écouté la formation italienne Tomografia Assial Computerizzata et sa pièce Andreas Bader Requiem apparaissant sur l'album Ouvrez vos auditifs canaux paru en 1985. Avant cela, c'était la formation new-yorkaise Controlled Bleeding et la pièce de Shallow Sky se retrouvant sur l'album Songs from the Ashes. Et pour amorcer la séquence musicale, c'était le projet This Mortal Coil qui met à contribution des membres de plusieurs formations ayant évolué dans les années 80, certaines encore actives aujourd'hui. Ainsi, on y retrouve notamment des membres de Cocteau Twins, Dead Can Dance, Colorbox, Cindy Talk et The Wolfgang Press qui collaborent chacun sur certaines pièces. Sur la pièce que nous avons entendue, qui s'intitule Fight, collaborent ensemble Mark Cox et Martin Young, respectivement, des formations de Wolfgang Press et Colorbox. Cette composition est tirée du premier album de This Mortal Coil qui se nomme It'll End in Tears et qui fut publié en 1984. Soulignons que le projet This Mortal Coil a donné naissance à trois albums entre 1984 et 1991. Il reviendra au groupe montréalais Soons de conclure cette transmission 317 d'Audiomatic avec la pièce Pray de leur plus récent mini-album qui s'intitule Fiction EP et qui est paru le 30 octobre dernier. La transmission 318 d'Audiomatic se réalisera en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM mercredi prochain dès 17h avant de se dématérialiser, dans les univers numériques et de s'archiver sur notre profil mixcloud.com/audiomatic, pour lequel une des portes d'entrée principales s'avère être notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc Soons et la pièce Pray. C'était Audiomatic avec les sonoristes. You.